Chapitre 23. Dès que le remords du crime qu'il avait voulu commettre eut à la voix de sa mère pénétré dans l'âme de Frédéric, il fut obsédé sans relâche par ce remords. Quoiqu'il eût assez de conscience de l'horreur de sa tentative homicide pour être incapable de la récidiver, il était bien loin d'être guéri de sa haineuse envie. Ses ressentiments, n'ayant plus d'issue au dehors par l'excitation, par l'espoir de la vengeance, n'en devenait que plus âcre, que plus corrosif, en stagnant désormais au fond de ce cœur qu'il rongeait lentement. Aussi, à la première nuit qui suivit l'arrivée de David à la ferme, nuit passée tout entière dans une méditation désespérante et désespérée, Frédéric avait subi une nouvelle transformation qui devait déconcerter la sagacité de sa mère et la pénétration de David. Tous deux furent frappés d'un changement qui se manifestait jusque dans la physionomie de l'adolescent. Elle n'était plus sardonique, altière et farouche. Elle était confuse, abattue. Son regard ne défiait plus le regard par sa sauvage audace. Toujours morne, abaissé, il semblait au contraire fuir tous les yeux. Madame Bastien et David s'attendaient à une nouvelle explosion de violence lors de la seconde entrevue de Frédéric avec son nouveau précepteur. Il n'en fut rien. L'adolescent se montra humble et docile, mais toutes les avances cordiales, toutes les familiarités affectueuses de David échouèrent devant la muette concentration de ce malheureux enfant. David essaya de l'interroger sur ses études. Il répondit tantôt avec précision, tantôt d'une manière diffuse et involontairement préoccupée. Mais à toutes les questions, à toutes les insinuations faites en dehors de ses travaux, il resta silencieux, impassible. Marie proposa une promenade avec David, Frédéric accepta. Durant cette longue excursion, le nouveau précepteur, dont les connaissances étaient aussi nombreuses que variées, tâcha de s'emparer de l'attention de Frédéric par des observations remplies d'intérêt et de grandeur sur plusieurs phénomènes de la nature, tantôt un silex, un morceau de roche, servait de point de départ aux considérations les plus curieuses sur les différents âges du globe, sur la transformation successive de ses habitants. Tantôt l'admirable régularité géométrique du travail d'un insecte, ses mœurs, ses instincts, devenait le sujet d'une conversation des plus attrayantes. Tantôt enfin, à propos d'une ruine très ancienne située dans les environs de la ferme, David racontait à Frédéric quelques faits relatifs aux habitudes guerrières et aventureuses du Moyen-Âge, ou lui citait quelques légendes d'une naïveté charmante. L'adolescent écoutait poliment, répondait par monosyllabes, mais conservait son masque glacé. Au retour de la promenade, Frédéric prit un livre, lut jusqu'au dîner et peu de temps après le repas, demanda la permission de se retirer. Restés seuls, David et Marie échangèrent un regard d'une tristesse profonde. Ils comprenaient le néant de cette journée. Rien n'a pu vibrer en lui, dit David en réfléchissant, rien. Il m'a été impossible de le captiver un instant, afin de l'attirer peu à peu à son insu, dans la sphère d'idées où je voulais le conduire. Tandis qu'autrefois, monsieur David, vous l'eussiez vu ravi, émerveillé, charmé de ces notions si diverses que vous rendez si attrayantes. Ne trouvez-vous pas, madame, que depuis hier il s'est accompli en lui je ne sais quelle révolution qui a fait soudain disparaître, si cela se peut dire, les aspérités de son caractère. Comme vous, monsieur David, j'ai fait cette remarque. Et ce changement, je suis presque tenté de le regretter, ajouta David d'un air pensif. Si aigu, si tranchante que soient des aspérités, elles offrent du moins quelques prises. Mais que faire devant une surface polie et froide comme la glace? Il n'importe, poursuivit-il après réflexion, il faudra trouver un moyen d'action. Et ce changement si soudain, monsieur David, qu'en pensez-vous? Est-ce le calme qui suit l'apaisement de la tempête? Ou bien est-ce le calme trompeur qui souvent précède un nouvel orage? Nous le saurons plus tard. Il se peut aussi que mon arrivée ait opéré ce revirement chez Frédéric. Comment cela, monsieur David? Peut-être sent-il que notre double surveillance doit lui rendre impossible toute nouvelle tentative de vengeance. Peut-être encore craint-il que ma pénétration jointe à la vôtre, madame, ne surprenne son secret. Alors il redouble de contraintes et de réserves. C'est à nous, madame, de redoubler d'attention. Et dans les cahiers qu'hier soir vous avez emportés? Après avoir longtemps médité sur les lambeaux de phrase que vous savez, madame, j'ai cru, si faible, si incertain qu'il fût, trouver un indice. Et cet indice, dit vivement madame Bastien. Permettez-moi de ne vous rien dire de plus, madame, avant que j'aie pénétré plus avant dans la voie, bien obscure encore, que semble m'ouvrir cet indice. Si mon pressentiment ne me trompe pas et me conduit à la découverte de quelques faits significatifs, je pourrai vous préciser ma pensée. Si elle est juste, son évidence vous frappera et, fort de nos deux convictions, j'agirai alors avec bien plus d'assurance. « Mon Dieu, madame, » ajouta David en souriant tristement, « mille fois pardon de cette réticence, mais c'est une tâche si difficile, si délicate que la nôtre, qu'un rien peut tout compromettre ou tout sauver. Encore une fois, pardon. » « Vous me demandez pardon, monsieur David, lorsque votre réserve même est une nouvelle preuve de votre généreuse sollicitude pour mon plus cher, hélas, pour mon unique intérêt sur cette terre. » Le soir du jour où madame Bastien avait eu cet entretien avec David, Marguerite vint donner ses soins à la jeune femme à l'heure de son coucher et lui dit « Mon Dieu, madame, je vous ai vu si occupée avec monsieur David depuis votre retour de la promenade, et ce soir aussi, que je n'ai pas voulu vous déranger pour vous dire une chose pourtant bien extraordinaire. De quoi s'agit-il donc? Vous étiez sortie avec monsieur Frédéric et monsieur David depuis une heure, madame. Lorsque j'entends un grand bruit à la porte de la cour, je vais voir, c'était une superbe voiture à quatre chevaux. Et qui était dans cette voiture, madame? Je vous le donne en sang. Madame la marquise de Pontbriand, qui demandait à vous parler. À moi? S'écria Marie en pâlissant, craignant que la tentative de Frédéric n'eût été découverte. « C'est impossible, vous vous trompez, Marguerite. Je ne connais pas madame de Pontbriand. »« C'est pourtant bien vous, madame, que cette chère bonne petite vieille dame m'a demandé. Même, elle m'a dit, en parlant tout aussi simplement que nous autres, je suis joliment fâché de ne pas la rencontrer, madame Bastien. Je m'en venais pour, comme qui dirait, voisiner un peu, car on est voisins, c'est pour se voir. »« Enfin, c'est égal, ça se retrouvera. Et tu lui diras, n'est-ce pas ma fille, à cette chère madame Bastien, que je reviendrai un de ces jours. » « Faut pas surtout qu'elle se donne la peine de me rendre ma visite au château, ça la dérangerait, cette chère dame, et je ne veux pas de ça du tout, mais moi je reviendrai souvent ici avec mon bâton de vieillesse. » « Qu'est-ce que cela signifie ? » se dit à elle-même madame Bastien, confondue de cet incident et ne sachant à quoi attribuer cette inconcevable visite. Marguerite, croyant que sa maîtresse cherchait la signification de ces mots « je reviendrai souvent avec mon bâton de vieillesse », ajouta « Madame la marquise voulait dire par là, madame, qu'elle reviendrait souvent vous voir avec son petit-fils, monsieur le marquis. » Elle a dit cela, s'écria Marie, tremblant à la seule pensée d'une rencontre entre Frédéric et Raoul de Pontbriand. Elle vous a dit qu'elle reviendrait avec monsieur le marquis, oui, madame. Et même cette bonne chère dame a ajouté, ce qu'il est joliment gentil, va, ma fille, mon bâton de vieillesse, autrement dit, mon petit-fils, est généreux comme un roi. Allons. « Puisque j'ai le guignon de ne pas rencontrer madame Bastien, faut bien m'en aller. Mais dis donc, ma fille, » a ajouté madame la marquise, « j'ai soif à étrangler. Est-ce que tu ne pourrais pas me donner un bon verre d'eau claire ?»« Certainement, madame la marquise, que je réponds toute honteuse de ce qu'une si grande dame avait la bonté de me demander un verre d'eau. Mais je me dis en moi-même, « pour sûr, madame la marquise a demandé de l'eau par politesse, je vais lui rendre sa politesse en lui donnant du vin. » J'accours dans ma cuisine, je verse un plein grand verre de vin, je le mets sur une assiette bien propre et je reviens à la voiture. Vous auriez dû, Marguerite, donner tout simplement à madame de Pontbriand le verre d'eau qu'elle vous demandait. Enfin, il n'importe. Pardon, madame, j'ai eu bien raison de donner du vin. Au contraire, puisque madame la marquise l'a pris. Ce grand verre de vin? Oui, madame, pas plus fière que ça. C'est-à-dire, elle n'a fait qu'y tremper ses lèvres, mais elle a fait boire tout le reste à une autre vieille dame qui était avec elle, et qui n'aimait peut-être pas le vin car elle a fait la grimace après avoir bu. Alors madame la marquise a ajouté, « Tu diras, ma fille, à cette chère madame Bastien, que nous avons bu à sa santé et à ses beaux yeux. » Et en même temps, tout en me rendant le verre, elle a mis dedans, devinez quoi, madame, ces cinq belles pièces d'or que voilà, en me disant, « Voilà pour les gens de madame Bastien, à condition qu'ils boiront à la santé de mon petit-fils, le marquis de Pontbriand. Au revoir, ma fille. » Et la belle voiture est repartie. « Je suis désolé, Marguerite, que vous n'ayez pas eu la délicatesse de refuser l'argent qu'on vous a donné. »« Mais, madame, 5 louis d'or ?»« C'est justement parce que cette somme est importante qu'il m'est très pénible que vous l'ayez acceptée. Dame, moi je ne savais pas, madame. C'est la première fois que ça m'arrive, et si madame veut, je reporterai les 5 pièces au château. Ça serait pire encore, mais je vous prie, Marguerite, si vous avez quelque attachement pour moi, de porter ces 100 francs au tronc des pauvres de la paroisse. Demain, ça sera fait, madame, dit bravement Marguerite. Ces 5 pièces d'or me brûleraient les doigts, maintenant que vous m'avez dit que j'ai eu tort de les recevoir. Merci, Marguerite, merci. Je sais que vous êtes une bonne et digne femme, mais un mot encore. Mon fils sait-il que madame de Pontbriand est venue ici? Non, madame, car je ne le lui avais pas dit, j'étais seule à la maison lorsque la voiture est venue. Marguerite, il est important que mon fils ne soit pas instruit de cette visite. Bien, madame, je n'en soufflerai pas mot. Enfin, si madame de Pontbriand revenait ici, que j'y sois ou non, vous direz toujours que je suis absente. Comment, madame, refuser de recevoir une si grande dame? Ma bonne Marguerite, je ne suis pas une grande dame, et je ne désire d'autre société que celle des personnes de ma condition. Il est donc bien entendu que je ne serai jamais chez moi si madame de Pontbriand revient, et que mon fils doit absolument ignorer la visite d'aujourd'hui. C'est convenu, madame, fiez-vous à moi. Marie-Bastien cherchait en vain à deviner le but de cette visite, incident dont elle s'étonnait d'autant plus qu'elle avait toujours présente à la pensée la haine de Frédéric contre le marquis de Pontbriand. Le lendemain matin, Marie fit part de cette circonstance à David. Il remarqua 2 choses qui avaient aussi frappé madame Bastien, quoique sous un autre point de vue. « Voici ce que je crois, madame, dit David. La demande du verre d'eau n'était qu'un prétexte de faire une largesse qui serait d'une prodigalité folle, si elle ne cachait quelque arrière-pensée. Aussi, madame de Pontbriand, s'est-elle résignée à boire ou à faire boire le verre de vin par sa compagne, sans doute pour ne pas humilier Marguerite. Délicatesse qui me paraît singulière chez une femme comme madame de Pontbriand, qui voulait d'ailleurs ne pas perdre l'occasion d'une excessive libéralité au nom de son petit-fils. Puis, enfin, madame de Pontbriand promet de revenir souvent ici, madame, mais elle ne veut pas me déranger. Il me prie de ne pas lui rendre sa visite au château. J'avais remarqué cette humiliante distinction, monsieur David, et lors même que j'aurais eu la moindre intention de répondre aux avances de madame de Pontbriand, ce procédé blessant m'eût obligé de lui fermer ma porte à l'avenir. Mais loin d'avoir la triste vanité d'être flatté de sa démarche, je n'en ressens au contraire que de l'inquiétude, de la crainte même. En pensant que si madame de Pontbriand revenait ici avec son petit-fils, Frédéric pourrait se trouver face à face avec l'objet de sa haine. Ah, monsieur David, mon cœur se glace à cette pensée, car je me rappelle la terrible scène de la forêt. Cette visite me semble, comme à vous, madame, d'autant plus étrange que les circonstances dont elle a été accompagnée sont fort suspectes. Notre ami, le docteur Dufour, m'a parlé de la douairière de Pontbriand comme d'une femme qui, malgré son grand âge, a conservé le cynisme et la dépravation de l'époque où elle a vécu dans sa jeunesse. Votre éloignement de la douairière est donc doublement justifié, madame. Seulement, en rapprochant ses avances, si blessantes qu'elles soient, de la haine de Frédéric contre Raoul de Pontbriand, il est du moins évident que celui-ci ne connaît pas votre fils. Sans cela, comment consentira-t-il à accompagner ici sa grand-mère? C'est ce que je me suis dit, monsieur David. Ah, le vertige me prend lorsque je veux pénétrer ce triste mystère. 2 ou 3 jours se passèrent encore en tentatives impuissantes de la part du précepteur et de Marie. Frédéric resta impénétrable. David alla jusqu'aux moyens les plus héroïques. Il lui parla de Raoul de Pontbriand. L'adolescent pâlit légèrement, baissa la tête, resta muet et impassible. Il a du moins renoncé à sa vengeance, pensa David, qui avait attentivement étudié la physionomie de Frédéric. La haine subsiste peut-être encore, mais du moins elle sera passive. Cette conviction, partagée par Marie, la tranquillisa du moins sur la possibilité d'une récidive qui la glaçait d'épouvante. L'état de Frédéric semblait empirer chaque jour. Ce malheureux n'était plus que l'ombre de lui-même. Opiniâtre, absolu dans le bien comme dans le mal, il ressentait aussi violemment le remords de sa funeste action qu'il avait ressenti l'ardeur de la vengeance, et puis, sans cesse, il était sous le poids de cette accablante pensée. « Quelle comparaison ma mère fera-t-elle toujours entre moi, qui ai voulu être un lâche meurtrier, et ce noble marquis dont elle m'a parlé avec tant de louanges ? Et pourtant, si elle savait, oh, malheur à moi, malheur à moi ! Plus que jamais, Je hais ce Pontbriand, et le remords m'a désarmé. » Un jour, David dit à Marie, « Frédéric, tout en acceptant gaiement la modeste existence qu'il trouvait chez vous, madame, ne vous a-t-il jamais paru désirer le luxe, la richesse, ou regretter de ne pas les posséder ?»« Jamais, monsieur David. » »« Il n'est pour ainsi dire pas une pensée de mon fils qui ne me soit présente à la mémoire, car depuis ces malheureux temps, je passe ma vie à interroger le passé, non ?» Jamais je n'ai entendu Frédéric désirer quelque chose au-delà de notre vie simple et presque pauvre. Que deux fois il m'a dit avec tendresse, « Mère, est-il un sourd plus heureux que le nôtre? Quel bonheur de vivre avec toi dans notre petit monde paisible et solitaire !» La pauvre Marie ne put achever. Se ressouvenir d'un passé radieux la brisait. David, cependant, loin de se décourager, poursuivait sa pensée avec cette persévérante lenteur, avec cette observation minutieuse et profonde, à l'aide desquelles les savants reconstruisent souvent un monde, une époque, un être, grâce à quelques fragments, à quelques débris insignifiants. « Croyez-vous, Frédéric, ambitieux, dit une autre fois David à Marie, dans ses épanchements avec vous, lorsqu'il s'agissait de sa position à venir, quelles étaient ses idées ? » Marie sourit tristement et répondit, « Un jour je lui disais, « Voyons, mon enfant, lorsque tu seras homme, quelle carrière choisiras-tu ? Que voudras-tu être ? Ton fils ? » me répondit-il avec un mélange de tendresse et de grâce dont vous ne pouvez avoir une idée, monsieur David. « Je te comprends, mon cher enfant, mais enfin il faudra choisir une carrière. Passer ma vie à t'aimer, mère, à te rendre heureuse. Je ne vois pas, je ne veux pas d'autre carrière. Mais enfin, cher fou bien-aimé, il faudra bien t'occuper, m'occuper, et t'embrasser, et te regarder, et t'écouter, et te dire que je t'aime, et nous promener, et faire nos aumônes en action, et voir nos fleurs, et regarder ensemble le soleil se coucher, ou la lune se lever au-dessus de nos grands chênes. Ne voilà-t-il pas assez d'occupation ? Ah, mère, mère ! Les jours seraient longs deux fois, comme ils le sont, que je n'aurais pas seulement une minute à moi. Voilà, monsieur David, dit Marie en essuyant ses larmes, voilà quelle était alors l'ambition de mon fils. Affectueuse et charmante nature, dit David en partageant l'émotion de Marie. Puis il reprit. Lors de cette visite au château de Pontbriand, dont vous m'avez parlé, vous n'avez pas remarqué, madame, que la vue de ces merveilles est attristée, Frédéric ? Non, monsieur David, et sauf l'incident que je vous ai raconté, la grossièreté d'un intendant dont mon fils est un instant irrité, cette journée était pour lui comme pour nous aussi gaie qu'intéressante. Et depuis ? Ajouta lentement David. Et depuis rien n'a pu vous donner la pensée que Frédéric ait comparé avec une certaine amertume, avec envie, enfin, votre modeste existence à l'existence somptueuse du jeune marquis ? Frédéric ? S'écria madame Bastien en regardant David d'un air de reproche. Ah, monsieur, mon malheureux enfant est tombé bien bas. La violence de son caractère l'a emporté jusqu'à la pensée d'un crime dont nous ignorons la cause. Mais lui, envieux ? Lui, monsieur David, vous vous trompez. Les bons comme les mauvais jours de sa vie le défendent contre un pareil reproche. David ne répondit rien et resta pensif. Chaque jour, l'intimité de David et de Marie s'augmentait par leur communauté d'intérêts et d'angoisses. C'était à tout instant un continuel échange de questions, d'épanchements, de craintes, de projets ou d'espérances, hélas, bien rares, les espérances ayant toujours Frédéric pour objet. Henri, David et Marie passaient ainsi, dans la solitude du tête-à-tête, les longues soirées d'hiver, car le fils de madame Bastien se retirait à 8 heures. Une fois au lit, un sommeil fin lui permettait de se soustraire à la sollicitude dont on l'entourait et de se plonger, pour ainsi dire, les yeux fermés dans le noir abîme de ses pensées. « Je suis plus misérable encore que par le passé, » se disait l'adolescent. « Autrefois, les inquiétudes, les questions incessantes de ma mère sur mon mal inconnu méritaient. À cette heure, elle me navre et augmente mon désespoir. Je comprends tout ce que doit souffrir ma mère. Sa pitié ne se rebute pas. Chaque jour m'apporte une nouvelle preuve de sa tendre commisération, de ses efforts inouïs pour me guérir, mais hélas, elle pourra pardonner mon crime et jamais l'oublier. Elle doit ignorer toujours, oh toujours, les circonstances qui m'ont poussé à vouloir tuer ce Pontbriand. Aussi je ne serai plus pour elle qu'un triste objet de compassion. Cela doit être, car je le sens. Mon mal est incurable, puisqu'il résiste à tant de secours. Et ce que je pense de ma mère, je le pense aussi de Monsieur David. J'ai maintenant conscience de son dévouement pour moi et pour ma mère, car se dévouer pour moi, c'est se dévouer à ma mère. Sa sollicitude à lui est non moins impuissante. Ah, le mal dont je souffre ne se guérit pas plus que ne s'efface le remords d'une lâche et horrible action. Pendant que ce malheureux enfant, ainsi concentré en lui-même, se repaissait d'une douleur de plus en plus corrosive, David, se croyant sur la voie de la vérité, poursuivait ses investigations, ne voulant tenter une dernière et décisive épreuve sur Frédéric, qu'armé de la toute-puissance d'une conviction inébranlable. Aussi multipliait-il ses recherches, les étendant aux sujets les plus insignifiants en apparence. Persuadé que Frédéric, ayant sans doute une puissante raison de dissimuler à sa mère le fond de sa pensée, ce serait peut-être moins contraint avec d'anciens serviteurs, David interrogeait minutieusement la vieille servante et le vieux jardinier. Ce fut de la sorte qu'il eut connaissance de quelques faits d'une haute signification pour lui. Ainsi, entre autres, un mendiant, envers qui Frédéric s'était toujours montré secourable, avait dit au jardinier « Monsieur Frédéric est bien changé. Lui, autrefois si bon, m'a aujourd'hui durement répondu. Adressez-vous à monsieur le marquis, il est si riche, lui. » Madame Bastien voyait ordinairement David plusieurs fois dans la journée. Un jour, il ne parut pas. À l'heure du repas du soir, Marguerite, étant allée prévenir qu'on était servi, David, profondément absorbé, chargea la servante de dire à Madame Bastien que, se trouvant un peu indisposée, elle voulut bien l'excuser de ne pas descendre pour dîner. De son côté, Frédéric, arrivé au terme de son marasme moral, n'avait pas quitté sa chambre. Marie, pour la première fois depuis l'arrivée de David, passa sa soirée seule. Cette solitude l'attrista profondément. Elle se sentit involontairement assaillie de noirs pressentiments. Vers les 11 heures, elle rentra dans sa chambre. Son fils dormait ou feignait de dormir. Marguerite vint donner ses soins habituels à sa maîtresse. Celle-ci, accablée, silencieuse, venait de revêtir son peignoir de nuit et de dénouer ses longs cheveux lorsque la vieille servante, qui avait plusieurs fois adressé la parole à Marie sans que celle-ci lui prêtait grande attention, lui dit au moment de se retirer « Madame, j'ai oublié de vous demander si André pouvait prendre demain le cheval et la charrette pour aller à Pontbriand. » « Oui, répondit Marie avec distraction, tenant dans l'une de ses petites mains, qui pouvait à peine les contenir, ses longs cheveux dénoués, tandis que son autre main promenait machinalement le démêloir d'écailles sur la toile cirée de la toilette, car la jeune femme, les yeux fixes, s'abandonnait à ses douloureuses pensées. « Vous savez, n'est-ce pas, madame, pourquoi André va à la ville ?» reprit Marguerite. « Non, répondit Marie tout absorbée. « Mais, madame, c'est pour porter les effets de ce monsieur, puisqu'il paraît qu'il s'en va. « Grand Dieu !» s'écria Madame Bastien en laissant retomber sa masse de cheveux sur ses épaules et en se retournant brusquement vers sa servante qu'elle regardait avec stupeur. « Marguerite, que dites-vous »« Je dis, madame, qu'il paraît que ce monsieur s'en va. »« Quel monsieur ?»« Monsieur David, le nouveau précepteur de Monsieur Frédéric. Et c'est dommage car il était... »« Il s'en va !» reprit Madame Bastien en interrompant Marguerite d'une voix si altérée et avec une telle expression de surprise et de douleur que la servante s'écria « Mon Dieu, madame, qu'avez-vous ?»« Voyons, Marguerite, il y a quelque erreur là-dedans, » dit Marie en tâchant de se rassurer. « Comment savez-vous que M. David s'en va ?»« Dame, puisqu'il renvoie ses effets à la ville. » »« Qui vous a dit cela ?»« André, comment le sait-il ?»« Mon Dieu, madame, c'est bien simple. Hier, M. David lui a dit « Mon ami, serait-il possible d'avoir un cheval et une charrette pour envoyer des mâles à Pontbriand d'ici un ou deux jours ?» André lui a répondu que oui. « Alors moi, madame, j'ai cru devoir vous prévenir qu'André prenne le cheval demain. Voilà tout. » Monsieur David est découragé. Il renonce à une tâche au-dessus de ses forces. L'embarras, le regret qu'il éprouve, m'explique son absence pendant toute cette journée. « Mon fils est perdu. » Telle fut la première, l'unique pensée de Marie. Alors, éperdue, folle de désespoir, oubliant le désordre de sa toilette, l'heure avancée de la nuit, et laissant Marguerite stupéfaite, la jeune femme monta chez David et entra précipitamment dans sa chambre.